Let me pray to the highest known. My God. Le plus grand, le plus bas, l'instant. Le pas qu'à parler trop, pas son jargon est tiao. Le diable mal est bon, restez à distance. Ça me donne des frissons, mon le quand j'y pense. Just give me the lighter. A big foyer, foyer, a big lighter. Non, c'est lui qui me fait sourire. Dès que je soupire, à qui je peux tout dire. Grâce à lui, ma vie peut aboutir. On comprend sans dire. C'est pas un jam jam, non. Mais qui m'éloigne du mauvais oeil. C'est pas un jam. Qui m'éloigne du mauvais oeil. Je laisserai pas le mal le prendre pas. Sous mon mental, le mauvais œil convoite pas. C'est disciple, quand je le vois, je file, file. Plus vite que la lumière qui m'éclaire. Le diable cherche tous à nous duper. Convoité par les belles choses éphémères. Sexe, drogue, alcool, tout ça à petite dose. Moi je ne ferai pas de névrose. Non, c'est lui qui me fait sourire. Dès que je soupire, à qui je peux tout dire. Grâce à lui, ma vie peut aboutir. Pour comprendre sans dire. C'est pas un jam jam, no. Mais qui m'éloigne du mauvais œil. Pour ça, je me recueille dans les versets du Coran sans orgueil. Mais qui m'éloigne du mauvais œil. Pour ça, je me recueille sans orgueil. C'est un qui tcha qui tcha bless me. Tcha tcha qui bon fort, c'est mon esprit. On nous loue un qui tcha par si des prestiges. Tcha tcha pas comme être moyen fucking beast. Pas qu'un check pour notre. Donc allez prendre notre. C'est qui toujours l'été passé à bronze. Donc apprenez les salles, toujours ma vie boycott. Mais y'en donc le son que moi y'en vie à bronze. Yes, ça. Baby, which way, puis why qui se mec là. En combinaison et l'homme qui se charge. Nous c'est mon état. Mais qui m'éloigne du mauvais oeil. Pour ça je me recueille dans les versets du Coran sans orgueil. Mais qui m'éloigne du mauvais oeil. Pour ça je me recueille sans orgueil. Why be, c'est vrai, my be. Nous c'était mon adja. Je veux qu'il éloigne le mauvais œil de ma vie. Non, non, non, non. Why be, c'est vrai, my be. Je veux qu'il éloigne le mauvais œil de ma